Le problème du signal de Knight's Cross, une enquête de Max Carrados par Ernest Brama. Louis, s'exclama M. Carrados, avec cette bonne humeur que Carlyle avait trouvée si incongrue pour un aveugle. Vous avez un mystère à me proposer? Je le sais à votre démarche. Près d'un mois s'était écoulé depuis que l'incident du faux Dionysos avait conduit les deux hommes à se rencontrer. Nous étions alors en décembre. Quoique la démarche de M. Carlyle pût indiquer à l'œil intérieur de Carrados, elle révélait à l'observateur occasionnel les manières d'un homme d'affaires vif, alerte et sûr de lui. Carlyle, en vérité, ne trahissait rien du pessimisme et de l'abattement qu'il avait marqué la fois précédente. « Vous n'avez qu'à vous féliciter qu'elle soit très médiocre, rétorqua-t-il, si vous ne m'aviez pas poussé à vous promettre de me donner l'occasion de vous aider sur la prochaine affaire qui vous dérouterait, quelle qu'elle soit. » C'est exactement cela. La conséquence est que vous obtenez une affaire très insatisfaisante, qui n'a pas d'intérêt particulier pour un amateur, et qui est seulement déconcertante parce qu'elle est, eh bien, déconcertante. Exactement, Max. Votre tentative de plaisanterie a touché juste, comme dit l'expression. Je n'ai pas besoin de vous préciser qu'il n'y a que l'insoluble, qui est finalement déconcertant, et celle-ci est très probablement insoluble. Vous vous souvenez de l'horrible collision du train de la Central and Suburban à la gare de Knight's Cross, il y a quelques semaines ? Oui, répondit Carrados avec intérêt. J'ai lu tous les détails horribles à l'époque. Vous lisez ? S'exclama son ami avec méfiance. J'utilise encore les phrases familières, expliqua Carrados en souriant. En fait, c'est mon secrétaire qui me fait la lecture. Je marque ce que je vais entendre et quand il arrive à 10 heures, nous épluchons les journaux du matin en un rien de temps. « Et comment savez-vous ce qu'il faut marquer ?» demanda astucieusement M. Carlyle. La main droite de Carrados, posée paresseusement sur la table, s'approcha d'un journal. Il passa le doigt sur un titre de colonne, les yeux toujours tournés vers son visiteur. « Le marché monétaire. » Suite de la page 2, « British Railways ». Annonça-t-il. Extraordinaire, murmura Carlyle. Pas vraiment, répondit Carrados. Si quelqu'un trempait un bâton dans la mélasse, écrivait RA sur une plaque de marbre, vous seriez probablement capable de distinguer le mot les yeux bandés. Probablement, admit M. Carlyle. Quoi qu'il en soit, nous n'en ferons pas l'expérience. La différence entre la mélasse sur un fond de marbre et l'encre d'imprimerie sur un journal est à peine plus grande pour vous que pour moi. Mais tout ce qui est plus petit que le pica, soit 12 points, je le lis difficilement. Et en dessous de 10 points, cela m'est totalement impossible, d'où le secrétaire. Maintenant l'accident, Louis. L'accident, vous vous en souvenez. Un train de voyageurs ordinaire de la Central and Suburban, sans arrêt à Knight's Cross, a dépassé le signal et s'est écrasé sur un train électrique bondé qui commençait tout juste à partir. C'était comme envoyer un rouleau de jardin dans une rangée de fleurs. 2 voitures du train électrique ont été détruites, les 2 suivantes ont été écrabouillées. Pour la première fois sur un chemin de fer anglais, il y a eu une collision entre une lourde machine à vapeur et un train de voiture légère, et c'était mauvais pour la vache. 27 morts, 40 blessés, dont 8 sont décédés depuis, commenta Carrados. C'était mauvais pour la compagnie, dit Carlyle. Eh bien, le fait principal était assez clair. Le train de la Central and Suburban était en tort. Mais le conducteur de la locomotive était-il responsable? Il a affirmé avec véhémence, dès le début et sans jamais varier d'un iota, qu'il avait un signal clair, c'est-à-dire le feu vert, puisqu'il faisait nuit. L'aiguilleur concerné n'en démord pas non plus et affirme qu'il n'a jamais retiré le signal qu'il était à danger lorsque l'accident s'est produit et qu'il l'était depuis 5 minutes. Il est évident qu'ils ne pouvaient pas avoir raison tous les deux. « Pourquoi, Louis ?» demanda M. Carrados avec douceur. « Le signal doit être soit en haut, soit en bas, soit rouge, soit vert. » « Avez-vous déjà remarqué les signaux du chemin de fer du Great Northern, Louis ?»« Pas particulièrement. Pourquoi ?» Un jour d'hiver, à peu près l'année où vous et moi sommes nés, le conducteur d'un train express écossais a reçu le feu vert d'un signal près d'une petite gare de Huntingdon appelée Abbots Ripton. Il a poursuivi sa route et a percuté un train de marchandises et a déraillé sous le choc. 13 morts et le nombre habituel de blessés. Il était certain que le signal lui avait donné la voie libre. Le préposé aux signaux était tout aussi convaincu qu'il n'avait jamais retiré le signal de danger. Tous deux avaient raison, et pourtant le signal était en état de marche. Comme je l'ai dit, c'était un jour d'hiver. Il avait neigé fort et la neige avait gelé et s'était accumulée sur le bord supérieur du bras du signal jusqu'à ce que son poids l'enfonce. C'est un fait qu'aucun auteur de science-fiction n'aurait osé inventer. Mais à ce jour, tous les signaux de Great Northern pivotent à partir du centre du bras au lieu de l'extrémité, en souvenir de cette tempête de neige. « Je suppose que c'est ce qui est ressorti de l'enquête, » dit M. Carlyle. « Nous avons eu celle de la chambre du commerce et celle de la police, et aucune explication n'a été donnée. Tout était parfaitement en ordre. Tout repose sur la parole de l'aiguilleur et celle du conducteur. Pas la moindre preuve directe, dans un sens ou dans l'autre. Qui dit la vérité ?»« C'est ce que vous allez découvrir, Louis ?» suggéra Carrados. « C'est ce que je suis payé pour découvrir, » admit M. Carlyle. « Mais jusqu'à présent, nous en sommes au même point que l'enquête, et entre nous, je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. »« Moi non plus, » dit l'aveugle avec un sourire un peu ironique. « Mais peu importe. Le conducteur est votre client, bien sûr. »« Oui, » admit Carlyle. « Mais comment diable l'avez-vous su ?»« Disons que votre sympathie est engagée en sa faveur. » Le jury était enclin à disculper l'aiguilleur, n'est-ce pas ?« Qu'est-ce que la compagnie a fait de votre homme ?» Les deux sont suspendus. Hutchins, le conducteur, a appris qu'on lui confiera probablement les toilettes de l'une des gares. C'est un vieil homme honnête, rude, taiseux, qui a le cœur à l'ouvrage. En ce moment, vous le trouverez dans son pire état, amer et méfiant. L'idée de nettoyer les toilettes et de prendre des pénis toute la journée l'empoisonne. Naturellement. Voilà donc l'honnête Hutchins. Taciturne, un peu susceptible peut-être, qui a consacré sa vie au service de la société et manifestant une dévotion de bulldog à son 538 favori. C'était en fait le numéro de son moteur. « Comment le savez-vous ? » demanda Carlyle d'un ton tranchant. « Il en a été question deux ou trois fois lors de l'enquête, Louis, » répondit Carrados avec amabilité. « Et vous vous en souvenez, sans raison ? » « On peut généralement faire confiance à la mémoire d'un aveugle, surtout s'il a pris la peine de la développer. » Vous vous souviendrez que Hutchins n'avait pas fait très bonne impression à l'époque. Il était hargneux et irritable à cause de l'épreuve. Je veux que vous voyiez l'affaire sous tous ses aspects. Il a traité l'aiguilleur, un dénommé Meade, de jeune chien menteur, à l'autre bout de la pièce, je crois. Maintenant, Meade, à quoi ressemble-t-il ? Vous l'avez vu, bien sûr ? Oui. Il ne me fait pas bonne impression. Il est désinvolte, hâbleur et nettement louche. Il a une réponse toute prête pour tout, presque avant que la question ne soit sortie de votre bouche. Il a pensé à tout. « Et maintenant, vous allez me dire quelque chose, Louis, » dit Carlyle d'un ton encourageant. M. Carlyle rit un peu pour cacher un mouvement involontaire de surprise. « Il y a un élément qui n'a pas été abordé lors des enquêtes, » admit-il. « Hutchins a été un épargnant toute sa vie et il a reçu de bons salaires. Dans sa classe, il est considéré comme riche. J'ose dire qu'il a 500 livres à la banque. Il est veuf et a une fille d'une vingtaine d'années très bien élevée. Meade est un jeune homme et lui et la fille sont amoureux. Ils sont fiancés officieusement depuis un certain temps. Mais le vieux Hutchins ne voulait pas en entendre parler. Il semble avoir pris le signaleur en grippe dès le début et dernièrement il lui a interdit de venir chez lui ou de parler à sa fille. « Excellent, Louis !» s'écria Carrados, ravi. « Nous allons innocenter votre homme en moins de temps qu'il n'en faut au signal pour passer le rouge à vert et prendre l'aiguilleur désinvolte et louche à son propre poteau d'aiguillage. » « C'est un fait important, sérieusement. C'est tout à fait convaincant. Il se peut qu'il s'agisse d'une erreur, d'un oubli de la part de Meade, qu'il a découvert au moment où il était trop tard et que, trop lâche pour admettre sa faute et ayant tant en jeu, il ait pris soin de rendre la détection impossible. Il se peut que cela soit, mais mon idée est plutôt qu'il ne s'agissait probablement ni d'un pur accident, ni d'un pur dessein. Je peux imaginer Meade s'enorgueillir mesquinement du fait que la vie de cet homme, qui se trouve sur son chemin, et qu'il doit cordialement détester, est entre ses mains. Je peux imaginer l'idée devenir une obsession à mesure qu'il s'y attarde. Une douzaine de fois, la main sur le levier, il laisse son esprit explorer les possibilités d'une défection momentanée. Puis un jour, par pure bravade, il retire le signal et s'empresse de le remettre en position danger. Il peut l'avoir fait une fois ou l'avoir fait plus souvent avant que cela ne conduise à la catastrophe. Le conducteur avait des chances d'être tué dans l'accident. En tout cas, il serait déshonoré, car il est plus facile de croire qu'un homme puisse passer devant un signal de danger par étourderie, sans s'en apercevoir, que de croire qu'un homme puisse retirer un signal et le remettre en place sans être conscient de son acte. Le chauffeur est mort. Votre théorie implique-t-elle forcément la mort du chauffeur de la locomotive, Louis ? Non, dit Carlyle, le chauffeur est un problème. Mais si l'on se place au point de vue de Mead, qu'il se soit rendu coupable d'une erreur ou d'un crime, la situation se résout ainsi. Premièrement, le chauffeur peut être tué. Deuxièmement, il se peut qu'il ne remarque pas du tout le signal. Troisièmement, dans tous les cas, il corroborera loyalement son conducteur et le bon vieux jury n'en tiendra pas compte. Carrados fumait pensivement, ses yeux ouverts et sans vie semblant observer la pièce en toute tranquillité. C'est une explication qui se tient, dit-il ensuite. 99 hommes sur 100 diraient « Les gens ne font pas ce genre de choses. » Mais vous et moi, qui avons étudié la criminologie de manière différente, savons qu'ils le font parfois. Sinon, il n'y aurait pas de crime étrange. Qu'avez-vous fait à ce sujet ? Pour qui sait voir, l'expression de M. Carlyle était une réponse en soi. Vous êtes dans les coulisses, Max. Qu'est-ce que j'avais à faire ? Je dois quand même faire quelque chose pour mériter mon salaire. Eh bien, j'ai fait faire une enquête très minutieuse et confidentielle auprès des hommes. On aurait pu murmurer que l'un d'entre eux en savait plus que ce qui avait été révélé, un homme retenu par l'amitié, l'inimitié ou même la jalousie. Cela n'a rien donné. Et puis il y avait la chance infime qu'une personne ait remarqué le signal sans y attacher d'importance à l'époque. Une personne qui serait encore capable de l'identifier d'une quelconque manière, à la relier à un horaire. J'ai moi-même parcouru la ligne. En face du signal, la ligne rongée d'un côté par un mur aveugle. De l'autre côté, il y a des maisons, mais le signal apparaît juste après une souillarde en saillie et n'est visible d'aucune route ni d'aucune fenêtre. « Mon pauvre Louis, » dit Carrados, amicalement moqueur, « vous étiez au bout du rouleau ?»« Je l'étais, » admit Carlyle. « Et maintenant que vous savez de quel genre de travail il s'agit, je suppose que vous n'avez pas envie de perdre votre temps pour cela. Ce serait injuste, n'est-ce pas ?» dit Carrados raisonnablement. « Non, Louis, je vais m'occuper de votre honnête vieux conducteur. » Votre jeune aiguilleur louche et votre signal fatal, qui ne peut être vu de nulle part. Mais il est important que vous vous souveniez, Max, que bien que le signal ne soit pas visible depuis la cabine d'aiguillage, si le mécanisme avait mal fonctionné ou si quelqu'un avait manipulé le bras, l'indicateur automatique aurait immédiatement indiqué à Mead que la lumière verte était allumée. Rouge sur les très loin, dans les détails techniques, je vous l'assure. Je dois faire de même, commenta gravement M. Carrados. D'ailleurs, si vous voulez savoir quelque chose, je pense pouvoir vous répondre, suggéra son visiteur. Cela pourrait vous faire gagner du temps. C'est vrai, acquiesça Carrados. J'aimerais savoir si quelqu'un appartenant aux maisons qui bordent la ligne à cet endroit a atteint sa majorité ou s'est marié le 26 novembre. M. Carlyle regarda son hôte avec curiosité. Je ne sais vraiment pas, Max, répondit-il avec concision et franchise. « Qu'est-ce que cela peut bien avoir à faire avec tout ça, si je puis me permettre ?» La seule explication de la catastrophe du pont tournant de Pont-Saint-Lin en 1875 est le reflet d'une lumière verte de Bengale sur la fenêtre d'un chalet. M. Carlyle sourit avec condescendance. « Mon cher ami, vous ne devez pas vous laisser emporter par votre mémoire persistante des événements tragiques, » fit-il remarquer avec sagesse. Dans 9 cas sur 10, l'explication évidente est la bonne. La difficulté, comme ici, est de la prouver. Maintenant, vous voulez voir ces hommes ? J'espère bien. De toute façon, je vais d'abord voir Hutchins. Tout de vive à Holloway. Dois-je demander à Hutchins de venir ici pour vous rencontrer ? Disons, demain ? Il ne fait rien. Non, répondit Carlyle. Demain, je dois faire appel à mes courtiers et cela me prendra probablement toute la journée. Vous avez raison. Vous ne devez pas négliger vos propres affaires pour cette enquête, déclara Carlyle. D'ailleurs, je préfère aller voir Hutchins chez lui. Louis, assez parlé de l'honnête vieillard pour ce soir. J'ai une belle œuvre de mène à vous montrer. Aujourd'hui, c'est mardi. Venez dîner dimanche pour répandre les coupes de votre dérision sur mon manque de réussite. C'est une façon aimable de l'exprimer, répondit Carlyle. D'accord, je le ferai. 2 heures plus tard, Carrados était de nouveau dans son bureau. Une fois n'est pas coutume, assis sans rien faire. Parfois il souriait, et une ou deux fois il se mit à rire, mais la plupart du temps son visage agréable et impassible ne reflétait aucune émotion, et il restait assis, ses yeux vides tranquillement fixés sur un lointain invisible. C'était un caprice extravagant de l'homme de se moquer de sa cécité, de se retrouver sous les feux des éclairages. La pièce était aussi claire que le jour. Enfin, il se leva et sonna la cloche. « Je suppose que Monsieur Greatorex n'est pas encore là, par hasard, Parkinson » demanda-t-il en parlant de son secrétaire. « Je ne pense pas, monsieur. Mais je vais m'en assurer, » répondit l'homme. « Peu importe. Va dans sa chambre et apporte-moi les 2 dossiers du Times, maintenant. » Et quand il fut revenu, « Regarde le plus ancien que tu as là. La date, le 2 novembre. » Cela ira. Trouve le marché monétaire. Il est dans le supplément. Maintenant, regarde les colonnes jusqu'à ce que tu arrives à British Railways. Je l'ai, monsieur. Central and Suburban. Lis le prix de clôture et la variation. Central and Suburban. Ordinaire 6,5, 7,5. Baisse de 1/8. Action privilégiée 81, 80,5. Pas de tendance. Action ordinaire 27,5, 27¾, baisse de 1/4. C'est tout, monsieur. Maintenant, prends un journal qui date d'une semaine environ. Ne lis que le différé. 27, 27¼, pas de changement. Encore une semaine. 29,5, 30, hausse de 5/8. Une autre. 31,5, 32,5, hausse de 1. Très bien. Maintenant, le mardi 27 novembre. 31,7/8, 32¾, hausse de 1/2. Oui, le lendemain. 24,5, 23,5, baisse de 9. Tout à fait, Parkinson. Il venait de se produire un accident, vois-tu? Oui, monsieur. Un accident très désagréable. Jane connaît une personne dont le jeune homme de la sœur a un cousin qui a eu le bras arraché lors de cet accident. Arraché au niveau de l'articulation, dit-elle, monsieur. Il semble que cela nous ramène à la réalité, monsieur. D'accord, continuons. Dans le journal que tu as, regarde la première colonne, économie, et vois s'il y a une référence à la Central and Suburban. Oui, monsieur. Central and Suburbans, qui, après leur dernière crise sur le projet d'expansion du service d'autobus, envisageaient sérieusement d'abandonner le projet, et malgré leurs propres excellents résultats en matière de trafic, ont subi une forte chute à la suite du lamentable accident de jeudi soir. Les actions différées, en particulier, ont chuté de 11 points à un moment donné, car on estimait que l'éventuelle perception des dividendes, dont la rumeur enflait ces derniers temps, n'était plus d'actualité. Oui, c'est tout. Maintenant, tu peux reprendre les journaux. Et que cela te serve d'avertissement, Parkinson. Tu ne dois pas investir tes économies dans des actions spéculatives sur les chemins de fer. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Je m'efforcerai de m'en souvenir. Il s'attarda un moment à empiler les journaux. Je peux dire, monsieur, que j'ai des vues sur une petite propriété à Acton. Mais même les cottages ne semblent plus guère à l'abri des déprédations du législateur, monsieur. Le lendemain, monsieur Carlyle se rendit visite à ses courtiers en ville. On peut supposer qu'il régla ses affaires privées plus rapidement que prévu, car après avoir quitté Austin Friars, il poursuivit son voyage jusqu'à Holloway, où il trouva Hutchins chez lui, abattu, assis devant un feu de cheminée. Supposant à juste titre que sa luxueuse voiture lui vaudrait une certaine attention dans Klondike Street, l'aveugle l'abandonna à quelque distance de la maison et fit le reste du chemin à pied, guidé par le contact presque imperceptible du bras de Parkinson. « Voici un monsieur qui veut vous voir, mon père, » expliqua Miss Hutchins qui était venue ouvrir la porte. Elle devina d'un coup d'œil la position et la relation des 2 visiteurs. « Alors pourquoi ne les emmènes-tu pas dans le salon ? grommela l'ancien conducteur. Son visage témoignait d'un travail acharné et d'une sobriété générale, mais en ce moment, sa voix et ses manières laissaient supposer qu'il avait bu plus tôt dans la journée. « Je ne pense pas que monsieur ne fasse grande différence entre notre salon et notre cuisine, » répondit la jeune fille, « et il fait plus chaud ici. » « Qu'est-ce qui se passe avec le salon maintenant ?» demanda son père d'un ton acerbe. « Il était assez bien pour ta mère et moi. Il était aussi pour toi. Il n'y a rien de grave, pas plus que dans la cuisine. » Elle se tourna impassiblement vers les deux personnes qui l'avaient suivie dans les trois passages. « Voulez-vous entrer, monsieur ?»« Je ne veux voir aucun gentleman. » s'écria Hutchins. À moins que... » Son attitude se transforma soudain en une inquiétude pitoyable. « À moins que vous ne soyez de la compagnie, monsieur, pour... » « Pour... Non, je suis venu au nom de monsieur Carlyle, » répondit Carrados en se dirigeant vers une chaise commue par une sorte d'instinct. Hutchins rit de son mépris. « Monsieur Carlyle, » répéta-t-il, « monsieur Carlyle, pour ce qu'il me sert. » « Pourquoi ne fait-il rien pour gagner son argent ?»« Il fait, » répondit Carrados avec une imperturbable bonne humeur. « La preuve, il m'envoie ici. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions. »« Quelques questions ?» rugit l'homme. « Je n'ai rien fait d'autre que de répondre à des questions depuis un mois. Je ne paye pas M. Carlyle pour qu'il me pose des questions. Pourquoi n'allez-vous pas interroger M. Herbert Agnes Mead ? Vous pourriez leur découvrir quelque chose. » Il y eut un léger mouvement près de la porte et Carrados sut que la jeune fille avait discrètement quitté la pièce. « Vous avez vu ça, monsieur ?» demanda le père, profitant de l'occasion pour replonger dans son amertume. « Vous avez vu cette fille, ma propre fille, pour laquelle j'ai travaillé toute ma vie ?»« Non, » répondit Carrados. « La fille qui vient de sortir est ma fille, » expliqua Hutchins. « Je sais, mais je ne l'ai pas vue. Je ne vois rien. Je suis aveugle. Aveugle !» s'exclama le vieil homme en se redressant. Stupéfait. Vous êtes sérieux, monsieur ? Vous marchez très bien et vous me regardez comme si vous me voyiez. Vous vous moquez sûrement de moi. Non, sourit Carlyle, c'est la vérité pure. C'est donc une drôle d'affaire, monsieur. Vous qui êtes aveugle et qui vous attendez à trouver quelque chose que ceux qui ont des yeux ne peuvent pas découvrir. Ruminait Hutchins avec sagacité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux, Hutchins. Vous avez peut-être raison, monsieur. « Alors, que voulez-vous savoir ?»« Allumez d'abord un cigare, » dit l'aveugle en tentant son étui et en attendant que des bruits divers lui indiquent que son hôte fumait avec satisfaction. « Le train que vous conduisiez au moment de l'accident était le 627 de Notcliffe. Il s'arrête partout jusqu'à Lambeth Bridge, la principale gare londonienne de votre ligne. Là, il devient une sorte d'express et, quittant Lambeth Bridge à 7h11, il ne s'arrête plus jusqu'à ce qu'il arrive à Swansted on Thames, à 18 kilomètres de là, à 7h34. Il s'arrête ensuite de Swansted à Ingerfield, le terminus de cette branche, qu'il atteint à 8h05. Hutchings acquiesça, puis se souvenant, dit « C'est exact, monsieur. » « C'est ce qui vous occupe toute la journée. » « Aller de Notcliffe à Ingerfield. » « Oui, monsieur. » « Trois voyages en montant et trois en descendant, généralement. » « Avec les mêmes arrêts sur tous les trajets ?»« Non. » Le 7-11 est le seul à faire navette entre Bridge et Swansted. Vous voyez, c'est juste à la fin des heures de pointe du soir, comme on l'appelle. De nombreux hommes d'affaires qui vivent à Swansted utilisent régulièrement le 7-11. Pour les autres trajets, nous nous arrêtons à toutes les stations jusqu'à Lambeth Bridge, puis ici et là. Il y a bien sûr d'autres trains qui font exactement le même trajet. Un service, en fait. Oui, monsieur, vers 6h. Et est-ce que l'un d'entre eux, disons pendant les heures de pointe, est-ce que l'un d'entre eux circule sans arrêt de Lambeth à Swansted ? Hutchins réfléchit un instant. Toute la colère et l'agitation avaient disparu du visage de l'homme. Il était redevenu l'excellent artisan, lent, mais capable et autonome. Je ne saurais le dire avec certitude, monsieur. Très peu de trains de courte distance passent par la jonction, mais certains d'entre eux peuvent le faire. Un guide nous le montrerait en une minute, mais je n'en ai pas. « Peu importe. Vous avez dit à l'enquête qu'il n'était pas rare que vous soyez arrêté au signal à l'est de la gare de Knight's Cross. Combien de fois cela se produisait-il ? Seulement avec le 7-11. Peut-être deux ou trois fois par semaine. L'accident a eu lieu un jeudi. Avez-vous remarqué que vous étiez plus souvent arrêté un jeudi qu'un autre jour ? À cette question, un sourire se dessina sur le visage du conducteur. « Vous n'habitez pas vous-même à Swansted, monsieur » demanda-t-il en guise de réponse. « Non, » admit Carrados. « Pourquoi ?»« Eh bien, monsieur, nous étions toujours arrêtés le lundi. Pratiquement toujours, pourrait-on dire. C'est devenu une routine pour ceux qui utilisent régulièrement le train. Ils s'y attendaient. » Les yeux sans vie de Carrados avaient la particularité de dissimuler parfaitement l'émotion. « Oh, toujours !» commenta-t-il aimablement. « Et c'était une routine, du coup. Et pourquoi était-ce toujours le cas le jeudi ?»« On m'a dit que c'était à cause de la fermeture anticipée des magasins. Le trafic de banlieue était un peu différent. En principe, nous aurions dû être retardés de 2 minutes ce jour-là, mais je suppose qu'on n'a pas jugé utile de modifier l'horaire. De sorte que nous avons presque toujours dû attendre à l'extérieur du tunnel de Three Deep qu'un train électrique en direction de l'ouest arrive à destination. » « Vous étiez préparé alors ?»« Oui, monsieur, je l'étais, » dit Hutchins, rougissant à l'évocation d'un souvenir. « Et j'ai été très déçu de la part d'un des membres du jury à ce sujet. Mais peut-être une fois tous les 3 mois, je réussissais à passer, même un jeudi. Et ce n'est pas à moi de me demander si les choses sont bien ou mal, simplement parce qu'elles ne sont pas ce à quoi je m'attends. Les signaux sont mes ordres, monsieur. Stop, en avant. Et c'est à moi d'obéir comme un général sur le champ de bataille. » Que se passerait-il sinon? Ce qu'ils ont dit à propos de la prudence est absurde. Et l'homme qui a commencé est un inculte, qui ne sait pas faire la différence entre un signal de distance et un signal de stop, jusqu'à la minute où ils ont rendu leur verdict. Les ordres que j'ai reçus à ce signal, monsieur, étaient les suivants. Allez-y et respectez votre horaire. Carrados acquiesça d'un air apaisé. C'est tout, je crois, remarqua-t-il. Tout? S'exclama Hutchins, surpris. Mais monsieur, vous ne devez pas encore en avoir une idée très précise. Tout à fait. Et je sais qu'il n'est pas agréable pour vous de vous répéter encore et encore. L'homme se déplaça maladroitement sur sa chaise et tira nerveusement sur sa barbe grisonnante. Vous ne devez pas tenir compte de ce que j'ai dit tout à l'heure, monsieur, s'excusa-t-il. Mais j'ai été harcelé, accusé et contre-interrogé par l'un ou l'autre d'entre eux ces dernières semaines, à tel point que cela m'a rendu amer envers et contre tout. Et maintenant il part de me charger des toilettes. Moi, qui suis dans la compagnie depuis 45 ans et conducteur de locomotive depuis 32 ans, un homme soupçonné d'avoir franchi un signal de danger. Vous avez eu une période difficile, Hutchins. Vous devrez encore faire preuve d'un petit peu de patience, déclara Carrados avec empathie. Vous pensez qu'il peut en résulter quelque chose, monsieur? Vous pensez pouvoir m'innocenter? Croyez-moi, monsieur, si vous pourriez me donner quelque chose à espérer, cela me sauverait peut-être de... Il se redressa et secoua la tête avec tristesse. J'ai près de... ajouta-t-il simplement. Carrados réfléchit et prit sa résolution. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je pense que vous pouvez espérer avoir des nouvelles de votre directeur général vers le milieu de la semaine prochaine. Mon Dieu, monsieur, vous le pensez vraiment? Dans l'intervalle, soyez raisonnable. Prenez soin de vous et ne parlez à personne. Surtout, il fit un signe de tête en direction d'une cruche qui se trouvait sur la table entre eux, un incident qui émerveilla le simple mécanicien lorsqu'il s'en souvint par la suite, surtout ne touchez pas à cela. Hutchins saisit le récipient et le jeta dans l'âtre, le visage rayonnant d'une résolution bien arrêtée. J'en ai fini avec ça, monsieur. C'est l'amertume et le désespoir qui m'ont poussé à boire. Maintenant je peux m'en passer. La porte s'ouvrit brutalement et Miss Hutchins jeta un regard anxieux à son père, puis au visiteur. « Oh, qu'est-ce qu'il y a ? » s'exclama-t-elle. « J'ai entendu du bruit. »« Ce monsieur va m'innocenter, Meg, ma chérie, » s'exclama le vieil homme, « et j'en ai fini avec la boisson pour toujours. »« Hutchins, Hutchins !» dit Carrados en guise d'avertissement. « Ma fille, monsieur, vous ne voulez pas qu'elle l'ignore ?» plaida Hutchins, plutôt abattu. « Cela n'ira pas plus loin. » Carrados se mit à rire doucement, en sentant les yeux surpris et interrogateurs de Margaret Hutchins, qui tentait de lire dans ses pensées. Il serra cependant la main du conducteur sans autre commentaire et sortit dans la petite rue sous la conduite discrète de Parkinson. « C'est très gentil de la part de Mademoiselle Hutchins de se mettre en demi-deuil Parkinson, » remarqua-t-il pendant qu'ils avançaient. « C'est très attentionné, mais pas du tout ostentatoire. Oui, monsieur. » approuva Parkinson, qui avait depuis longtemps cessé de s'étonner des perceptions de son maître. Les Romains, Parkinson, disaient que l'or n'a pas d'odeur. C'est parfois dommage. Quel bijou portait Mademoiselle Hutchins? Très peu, monsieur. une simple broche en or sur laquelle est gravé un moineau, monsieur. Le seul autre article était une montre-bracelet en métal. Rien d'ostentatoire ou d'onéreux, hein ? Oh non, monsieur ! C'est tout à fait approprié pour une jeune personne de son rang. C'est ce à quoi j'aurais dû m'attendre. Il ralentit le pas. Nous passons devant un panneau d'affichage, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Nous allons rester ici un moment. Lis-moi le contenu de l'affiche qui se trouve devant nous. C'est le d'Oxo, monsieur ? Oui. Oxo, monsieur. Carados fut pris d'un fou rire silencieux. Parkinson avait infiniment plus de dignité et se contenta de reconnaître le ridicule de la situation. « Pas de chance, Parkinson, » remarqua son maître lorsqu'il put parler. « Nous allons en essayer un autre. » Pendant 3 minutes, avec une conscience scrupuleuse de la part du lecteur et toutes les apparences d'un vif intérêt de la part de l'auditeur, furent exposés les détails d'une vente aux enchères de bois et de matériaux de construction. « Cela fera l'affaire, » dit Carados, lorsque le dernier détail eut été décrit. « On peut toujours nous voir de la porte de numéro 107. »« Oui, monsieur. » « Rien n'indique que quelqu'un nous ait observé de là-bas. »« Non, monsieur. » Carados se mit à marcher pensivement. Dans Holloway Road, ils rejoignirent la voiture qui les attendait. Le chauffeur reçut l'ordre de se rendre à la station de Lambeth Bridge. De la gare, la voiture fut renvoyée chez elle et Parkinson fut chargé de réserver 2 wagons de première classe pour Richmond que l'on pouvait atteindre en changeant à Stafford Road. La ruée du soir n'avait pas encore commencé. Ils n'eurent aucune difficulté à trouver un wagon vide lorsque le train arriva. Parkinson fut occupé pendant le voyage à décrire ce qu'il avait vu à différents endroits entre Lambeth Bridge et Knight's Cross. Pendant 1 demi-kilomètre, les appels de Carados aux yeux et à la mémoire de son remarquable serviteur furent nombreux et incessants. Puis les questions cessèrent. Ils avaient dépassé le signal stop à l'est de la gare de Knight's Cross. L'après-midi suivant, ils firent le voyage de retour jusqu'à Knight's Cross. Cette fois, cependant, les environs n'intéressèrent pas Carados. « Nous allons visiter quelques chambres, » informa-t-il l'imperturbable Parkinson, qui se contenta de répondre « Oui, monsieur », à cette demande inhabituelle. Après avoir quitté la gare, ils tournèrent brusquement le long d'une route parallèle à la ligne de chemin de fer, une artère terne de maisons anciennes et robustes, qu'il commençait à sombrer dans la décrépitude. Ici et là, la façade d'une résidence arborait la plaque professionnelle en laiton de l'occupant, mais la plupart d'entre elles étaient habitées par les diverses branches de la location d'appartements de second ordre. « La troisième maison, après celle où se trouve le mât de cocagne, » déclara M. Carados. Parkinson sonna, et une jeune servante répondit. Elle profita de l'occasion pour les assurer qu'ils n'étaient pas très apprêtés, car il était assez tôt dans l'après-midi. Elle informa Carados, en réponse à sa demande, que Mademoiselle Chubb était à la maison et les fit entrer dans un petit salon pour attendre sa venue. « Je serai presque aveugle ici, Parkinson, » remarqua Carados en se promenant dans la pièce. « Cela évite les explications. »« Très bien, monsieur, » répondit Parkinson. 5 minutes plus tard, un intervalle suggérant que Miss Chubb trouvait également qu'il était plus tôt dans l'après-midi, Carados prenait des dispositions pour louer des chambres pour son assistant et lui-même pour la courte période pendant laquelle il serait à Londres pour voir un oculiste. « L'une des chambres, la mienne, doit être orientée vers le nord, » précisa-t-il. « C'est une question de lumière. » Miss Chubb répondit qu'elle comprenait parfaitement. « Certains messieurs, ajouta-t-elle, ont leurs exigences, d'autres leurs fantaisies. » Elle s'efforçait de les satisfaire tous. La chambre qu'elle avait en vue dès le début était orientée vers le nord. Elle ne l'aurait pas su, si ce n'est que le dernier gentleman, curieusement, avait fait la même demande. « Un malade comme moi ?» demanda Carados d'un ton affable. Miss Chubb ne le pensait pas. Dans son cas, elle considérait qu'il s'agissait simplement d'une fantaisie. Il avait dit qu'il ne pouvait pas dormir à une autre exposition. Elle avait dû quitter sa propre chambre pour le loger, mais quand on tient une pension de famille, il faut savoir s'adapter. Et M. Gauche était certainement très libéral dans ses idées. « Gauche, un Indien, je présume ?» hasarda Carados. Il s'avéra que M. Gauche était un Indien. Miss Chubb confia qu'au début, elle avait été assez perturbée à l'idée d'accueillir un homme noir, comme elle avouait le considérer. Elle répéta cependant que M. Gauche s'était avéré être un vrai gentleman. 5 minutes d'aimable conversation permirent à Carados de connaître le mode de vie et les déplacements de M. Gauche, les dates de son arrivée et de son départ, sa solitude et ses habitudes quotidiennes. « Ce serait la meilleure chambre, » déclara Miss Chubb. C'était une pièce de bonne taille au premier étage. La fenêtre donnait sur le toit d'une dépendance et au-delà, sur la profonde tranchée de la ligne de chemin de fer. En face se trouvait le mur dont M. Carlyle avait parlé. Carrados s'inspectait la pièce avec ce regard critique qui s'avérait parfois si embarrassant pour ceux qui le connaissaient. « Il faut bien que je fasse un peu d'exercice quotidien, » remarqua-t-il en s'approchant de la fenêtre et en passant sa main sur les boiseries. « Vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je pose un appareil ici, Mademoiselle Chubb, juste quelques petites vis. » Mademoiselle Chubb pensait que cela ne la gênait pas. Puis elle fut certaine que cela ne la gênait pas. Enfin, elle se trouva ridicule à la pensée que cela aurait pu la gêner. « S'il y a assez de largeur, » murmura Carrados, en examinant d'un œil critique le montant, « auriez-vous par hasard une règle en bois ?»« Eh bien, c'est sûr, » s'exclama Miss Chubb en ouvrant rapidement une succession de tiroirs jusqu'à ce qu'elle trouve l'article demandé. « Lorsque nous avons vidé la chambre de M. Gauche, il y avait justement cette règle parmi les objets qu'il n'avait pas jugé utile de prendre. C'est ce que vous voulez, monsieur ?»« Oui, » répondit Carrados en la prenant. « Je crois que c'est exactement ce qu'il me faut. » C'était une règle neuve, en bois blanc, telle qu'on peut en acheter pour un penny dans les petites papeteries. Il mesura négligemment la largeur du montant, lisant les chiffres du bout des doigts, puis continua sa lecture le long des bords de l'instrument. « 10,5 cm, » murmura-t-il. « J'espère que ça le fera, monsieur. »« Admirablement, » répondit Carrados. « Mais je ne suis pas encore au bout de mes exigences, mademoiselle Chubb. »« Non, monsieur, » dit la propriétaire, sentant que ce serait un plaisir d'obliger un gentleman si agréable. « Qu'y a-t-il d'autre pour votre service ?»« Même si je ne vois pas grand-chose, j'aime avoir de la lumière, mais pas n'importe laquelle. Je ne supporte pas l'éclairage au gaz. Pensez-vous pouvoir me trouver une lampe à huile ?»« Bien sûr, monsieur. J'ai sorti une très belle lampe en laiton que j'ai achetée spécialement pour M. Gauche. Il lisait beaucoup le soir et il préférait une lampe. C'est très pratique. » « Je suppose qu'elle est assez grande pour brûler toute une soirée. »« Oui, en effet. Et il tenait absolument à ce qu'elle soit remplie tous les jours. »« Une lampe sans huile n'est pas très utile, » sourit Carrados en la suivant vers une autre pièce et en glissant distraitement la règle dans sa poche. Quoique Parkinson ait pensé de l'arrangement consistant à s'installer dans des appartements de second ordre, dans une rue obscure, on peut en déduire que son dévouement à son maître était suffisant pour surmonter ses émotions personnelles en tant qu'homme qui se respecte. Quoi qu'il en soit, alors qu'ils approchaient de la gare, il demanda, sans la moindre émotion, s'il y avait des ordres pour lui en ce qui concernait la migration proposée. « Aucun, Parkinson, » répondit son maître. « Nous allons nous contenter de nos quartiers actuels. »« Je vous demande pardon, monsieur, » dit Parkinson avec une certaine gêne. « J'avais cru comprendre que vous aviez loué les chambres pour une semaine. » « Je crains que Mademoiselle Chubb ait la même impression. Des circonstances imprévues nous empêcheront cependant d'y aller. Monsieur Greatorex doit écrire demain, en joignant un chèque, avec mes regrets, et en ajoutant un penny pour cette règle que j'ai emportée par mégarde avec moi. C'est d'un bon rapport qualité-prix. » On peut excuser Parkinson de ne pas avoir cherché à comprendre le déroulement des événements. « Voici votre train qui arrive, monsieur, » se contenta-t-il de dire. « Nous allons le laisser partir et en attendre un autre. Y a-t-il un signal aux deux extrémités du quai ?»« Oui, monsieur, à l'autre bout. Marchons vers lui. Y a-t-il des porteurs ou des fonctionnaires dans les parages ?»« Non, monsieur, aucun. Prends cette règle. Je veux que tu montes les marches. Il y a des marches en haut du signal, d'ailleurs ?»« Oui, monsieur. Je veux que tu mesures le verre de la lampe. Ne monte pas plus haut que nécessaire, mais si tu dois t'étirer, veille à ne pas marquer la mesure avec ton ongle, bien que l'impulsion soit naturelle. » Cela a déjà été fait. Parkinson regarda avec appréhension autour de lui. Heureusement, l'endroit était sombre et peu fréquenté, et tout le monde se dirigeait vers la sortie à l'autre bout du quai. Heureusement aussi, le signal n'était pas très haut. Pour autant que je puisse en juger sur la surface arrondie, le verre a un diamètre de 10,5 cm, déclara M. Parkinson. Merci, répondit Carrados en remettant la règle dans sa poche. 10,5 cm, c'est assez proche. « Maintenant, nous allons prendre le prochain train pour rentrer. » Le dimanche soir arriva, et avec lui, M. Carlyle au Terrey à l'heure prévue. il apporta à la situation un esprit combatif et un regard tranchant. Au fur et à mesure que le temps passait et que l'impénétrable Carrados ne faisait aucune allusion à l'affaire, les manières de Carlyle tendaient vers une condescendance moqueuse de la position de son hôte. En réalité, il ne disait pas grand-chose, mais la clarté de sa voix, lorsqu'il émettait une remarque de quelque importance, laissait peu de place à un commentaire. Ce n'est que lorsqu'ils eurent fini de dîner et qu'ils retournèrent à la bibliothèque que Carrados donna un infime indice concernant l'étrangeté de l'ambiance à venir. Sa première indication fut de retirer la clé de l'extérieur vers l'intérieur de la porte. « Qu'est-ce que vous faites, Max ?» demanda M. Carlyle, sa curiosité l'emportant sur son attitude nonchalante. « Vous avez été très divertissant, Louis, » répondit son ami, « mais Parkinson ne va pas tarder à revenir et il vaut mieux se préparer. Avez-vous un revolver ?»« Pas quand je viens dîner avec vous, Max, » répondit Carlyle, avec tout l'aplomb dont il était capable. « Je devrais ?» Carrados sourit affectueusement à la réponse de son invité et appuya sur le ressort secret du tiroir du bureau antique à côté de lui. Le petit réceptacle caché s'ouvrit doucement, révélant une paire de pistolets à l'éclat métallique. « Ce soir, en tout cas, il serait prudent d'en avoir, » répondit-il en remettant l'une des deux armes à Carlyle et en mettant l'autre dans sa poche. « Notre homme peut arriver d'une minute à l'autre et nous ne savons pas dans quel état d'esprit il viendra. « Notre homme ?» s'exclama Carlyle en se penchant, excité. « Max, vous ne voulez pas dire que vous avez poussé Mead à avouer ?»« Personne n'a avoué, » déclara M. Carrados, « et ce n'est pas Mead. »« Pas Mead. Vous voulez dire que Hutchins, ni Mead, ni Hutchins, l'homme qui a trafiqué le signal, car Hutchins avait raison et le feu était vert, est un jeune Indien du Bengale. Il s'appelle Drishna Vyaswanstead. » M. Carlyle fixa son ami avec un mélange de surprise et d'incrédulité dans le regard. « Vous êtes vraiment sérieux, Carrados ? » dit-il. « Ah, ma mauvaise réputation de farceur !» sourit Carrados. « Si je me trompe, Louis, l'heure qui vient le révélera. »« Mais pourquoi ? Pourquoi a-t-il fait ça ? La méchanceté inouïe, l'audace sans pareil !» M. Carlyle se perdit dans des superlatifs d'incrédulité et ne put que regarder fixement son ami. « Principalement pour se sortir d'une spéculation désastreuse, » répondit Carrados. « S'il y avait un autre mobile, ou du moins une incitation, ce que je soupçonne, nous en entendrons sans doute parler. »« Tout de même, Max, je ne pense pas que vous m'ayez traité de façon tout à fait équitable, » protesta Carlyle, passant outre sa première surprise, pour se montrer offensé. « Nous sommes ici, je ne sais rien, absolument rien de toute cette affaire. » « Nous avons tous les deux notre conception de l'amitié, Louis, » répondit Carrados avec bienveillance, « mais j'ose dire que vous avez raison et qu'il est peut-être encore temps de se racheter. » En un minimum de mots, il exposa le déroulement de ses investigations. « Et maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir jusqu'à l'arrivée de Drishna. »« Mais viendra-t-il ? » demanda Carlyle, dubitatif. « Il peut être méfiant. Il le sera. Alors il ne viendra pas. Au contraire, Louis. » Il viendra parce que ma lettre le rendra méfiant. Il vient, sinon Parkinson m'aurait téléphoné tout de suite et nous aurions dû prendre d'autres mesures. « Que lui avez-vous dit, Max ?» demanda Carlyle avec curiosité. « J'ai écrit que je souhaitais discuter avec lui d'une inscription à un dossier et j'ai envoyé ma voiture dans l'espoir qu'il puisse me rendre service. « Mais s'intéresse-t-il aux inscriptions à un dossier ? » ?»« Je n'en ai pas la moindre idée, » admit Carrados. » Et M. Carlyle était en train de lever les bras au ciel, désespéré, lorsque le bruit des roues d'une voiture faisant crier le gravier de l'allée le ramena à la réalité. Il s'exclama, en regardant par la fenêtre, « Il y a un homme à l'intérieur, un homme à l'intérieur !»« Monsieur Drishna !» annonça Parkinson une minute plus tard. Le visiteur entra dans la pièce avec une calme assurance qui pouvait être réelle ou résulter d'une feinte désespérée. C'était un jeune homme d'environ 25 ans, bien bâti, aux cheveux et aux yeux noirs, avec une petite moustache soigneusement taillée et un teint olivâtre foncé. Sa physionomie n'était pas déplaisante, mais son expression était légèrement dure et condescendante. Sa tenue vestimentaire était plutôt impeccable. « Monsieur Carrados ? » dit-il d'un ton inquisiteur. Carrados, qui se leva, s'inclina légèrement sans tendre la main. « Ce monsieur, dit-il, en indiquant son ami, est Monsieur Carlyle, le célèbre détective privé. » L'Indien jeta un regard très vif sur l'objet de cette description, puis il s'assit. « Vous m'avez écrit une lettre, monsieur Carados, » remarqua-t-il, dans un anglais qui ne trahissait guère d'origine étrangère, « une lettre assez curieuse, je dirais. Vous m'avez interrogé sur une inscription ancienne. Je ne connais rien aux antiquités, mais j'ai pensé, comme vous me l'avez envoyé, qu'il serait plus courtois que je vienne vous l'expliquer. » « C'était l'objet de ma lettre, » répondit Carados. « Vous souhaitiez me voir ?» dit Drishna, incapable de supporter l'épreuve du silence que Carados s'imposait après sa remarque. « Lorsque vous avez quitté la maison de Mademoiselle Chubb, vous avez laissé une règle derrière vous. » Il en avait une posée sur le bureau de Carados et il l'a prit en parlant. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez, » dit Drishna avec prudence. « Vous faites une erreur. » La règle était marquée à 10,5 cm, la mesure du verre de la lampe de signalisation à l'extérieur. Le malheureux jeune homme ne put réprimer un sursaut. Son visage perdit sa tonalité saine. Puis, dans un élan soudain, il fit un pas en avant et arracha l'objet des mains de Carados. « Si elle est à moi, je la prends » s'exclama-t-il en cassant la règle en deux et en la jetant au feu. « Ce n'est rien !»« Pardonnez-moi. » Je n'ai pas dit que celle dont vous vous êtes si impétueusement débarrassé était la vôtre. En fait, c'était la mienne. La vôtre est ailleurs. Où qu'elle soit, rendez-la-moi, s'exclama Drishna, de plus en plus excité. Vous êtes un voleur, monsieur Carados. Je ne resterai pas plus longtemps ici. Il se leva d'un bond et se tourna vers la porte. Car là, il fit un pas en avant, mais cette précaution était inutile. Un instant, monsieur Drishna, dit Carados de son ton le plus doux. Il est dommage, après avoir fait tant de chemin, que vous partiez sans avoir entendu parler de mes investigations dans le quartier de Shaftesbury Avenue. » Drishna se rassied. « Comme vous voulez, » marmonna-t-il, « cela ne m'intéresse pas. »« Je cherchais une lampe d'un certain modèle, » poursuivit Carados. « Il me semblait qu'il était plus simple de dire que je la voulais pour une voiture. » Naturellement, je me suis rendu à Long Acre. Au premier magasin, j'ai dit, « N'est-ce pas ici qu'un de mes amis, un Indien, a récemment acheté une lampe de cristal verte de près de 10 cm de diamètre. Non, il n'y en avait pas, mais on pouvait m'en fabriquer une. Dans le magasin suivant, ce fut la même chose. Pareil dans le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Finalement, ma persévérance a été récompensée. J'ai trouvé l'endroit où la lampe avait été fabriquée, et au prix de la commande d'une autre lampe, j'ai obtenu tous les détails que je souhaitais. Le commerçant m'a informé que dans certaines régions de l'Inde, le vert était la couleur du danger, et que par conséquent, les feux arrière devaient afficher une lumière verte. L'incident l'avait quelque peu impressionné, et il serait capable d'identifier leur client, qui avait payé à l'avance et n'avait pas laissé d'adresse, parmi un millier de ses compatriotes. « Ai-je réussi à vous intéresser, monsieur Drishna ?»« D'après vous, » répondit Drishna en bâillant, « ai-je l'air intéressé ? Vous devez tenir compte de ma malheureuse cécité. » s'excusa Carados avec une ironie grinçante. « Cécité !» s'exclama Drishna, abandonnant son air indifférent, comme s'il était électrisé par le mot. « Voulez-vous dire, vraiment aveugle, que vous ne me voyez pas ?»« Hélas, non !» reconnut Carados. L'Indien retira sa main droite de la poche de son manteau et d'un geste tragique, jeta un lourd revolver sur la table qui les séparait. « Si j'avais voulu partir, que vous, votre ami, ayez levé la main pour m'en empêcher, c'eût été au péril de votre vie, » dit-il d'une voix mélancolique et triomphante. « Mais à quoi bon défier le destin, et qui échappe avec succès à sa destinée ? Il y a un mois, je serai allé voir un de nos compatriotes qui lit l'avenir pour savoir quel serait le déroulement de certains événements. Il m'a dit, « Tu n'as pas à craindre l'œil de l'homme. » Puis il ajouta, « Mais lorsque l'aveugle voit l'invisible, fais la paix avec Yama. » Et moi qui croyais qu'il parlait de l'au-delà. Cela équivaut à un aveu de culpabilité, s'exclama M. Carlyle. Je m'incline devant la décision du destin, répondit Drishna, et il est conforme à l'ironie universelle de l'existence qu'un aveugle en soit l'instrument. Je n'imagine pas, M. Carlyle, ajouta-t-il malicieusement, que vous, avec vos yeux, auriez pu arriver à ce résultat. Vous êtes une jeune canaille au sang-froid, monsieur, rétorqua M. Carlyle. Vous rendez-vous compte que vous êtes responsable de la mort d'un grand nombre d'hommes et de femmes innocents ? Vous rendez-vous compte, M. Carlyle, que vous, votre gouvernement et vos soldats, êtes responsables de la mort de milliers d'hommes et de femmes innocents dans mon pays chaque jour ? si l'Angleterre était occupée par les Allemands qui installaient une armée et une administration avec leurs femmes, leurs familles et tous leurs coûteux attirails, jusqu'à ce que la nation entière soit réduite au bord de la famine, et que la nomination de chaque nouveau fonctionnaire signifiait la condamnation à mort d'un millier d'hommes et de femmes pour payer son salaire, alors si vous alliez à Berlin et détruisiez un train, vous seriez acclamé comme un patriote. Ce que Boadicea a fait, et Samson, je l'ai fait aussi. S'ils étaient des héros, je le suis aussi. Eh bien, ma parole, s'écria Carlyle scandalisé. Que va-t-il se passer ensuite ? Boadicea était une personne presque légendaire, que nous pouvons peut-être admirer maintenant. Personnellement, je ne prétends pas exprimer une opinion. Mais Samson, je vous le rappelle, est un personnage biblique. On a traité Samson comme un ennemi. Vous, je n'en doute pas, vous avez été reçu comme un ami. Et n'ai-je pas été tourné en dérision, méprisé et ricané chaque jour de ma vie, ici, par vos hommes hautains, supérieurs, à la tête vide ? Se remémora Drishna, le regard furibond et la voix tremblante d'une haine soudaine. Oh, comme je les haïssais, quand je les croisais dans la rue, et que je reconnaissais à mille petites insultes leur mépris de seigneur anglais pour l'être inférieur que j'étais, un nègre. Comme j'ai désiré avec Caligula qu'une nation n'ait qu'un seul coup, pour pouvoir le trancher d'un seul coup. Je vous déteste, dans votre hypocrisie complaisante, monsieur Carlyle, je vous méprise et vous abomine totalement du haut d'une supériorité que vous ne pourrez jamais comprendre. Je crois que nous nous éloignons un peu du sujet, monsieur Drishna, dit Carados avec l'impartialité d'un juge. À moins que je ne sois mal informé, vous n'avez pas l'outrecuidance d'inclure dans votre réprobation toutes les personnes que vous avez rencontrées ici. « Ah non !» admit Drishna en se laissant aller à une franchise tout à fait ingénue. « Autant je déteste vos hommes, autant j'aime vos femmes. Comment est-il possible qu'une nation soit si divisée, ces hommes si stupides et offensifs, ces femmes si sensibles, sympathiques et capables de susciter l'admiration ?»« Mais aussi un peu cher, parfois, » suggéra Carados. Drishna soupira lourdement. « Oui, c'est incroyable. C'est le propre de leur nature. » Mes revenus que la plupart d'entre vous qualifieraient d'élevés se sont avérés tout à fait insuffisants. J'ai été obligé d'emprunter de l'argent et les intérêts sont devenus écrasants. La faillite était inconcevable, parce que j'aurais alors été rappelé par mon peuple. Et bien que je déteste l'Angleterre, une certaine raison m'a rendu insupportable l'idée de la quitter. En rapport avec le théâtre Arcadie, vous connaissez ? Eh bien, n'évoquons pas le nom de la dame. Pour me refaire une santé, j'ai spéculé à la bourse. Mon crédit était bon grâce à la position de mon père et à la réputation de la firme à laquelle je suis attaché. J'ai appris de sources sûres et très tôt que le Central and Suburban et les actions à paiement différé en particulier étaient assurées de chuter lourdement à cause d'une fusion avec une entreprise d'autobus motorisée qui était alors un secret. J'ai ouvert un compte au marché baissier et j'ai vendu en grande partie. Les actions ont baissé, mais seulement de façon fractionnée, et j'ai attendu. Puis, malheureusement, elles ont commencé à monter. Des forces adverses étaient à l'œuvre et des rumeurs circulaient. Je n'ai pas pu supporter le règlement, et afin de conserver un compte, j'étais littéralement contraint de traiter temporairement avec des titres qui, techniquement, ne m'appartenaient pas. « Détournement de fonds, monsieur, » commenta M. Carlyle d'un ton glacial. Mais qu'est-ce qu'un détournement de fonds en plus d'un meurtre de masse ? C'est ainsi qu'on appelle cela. Dans mon cas, cependant, ce n'était que temporaire. Malheureusement, la hausse s'est poursuivie. Puis, au plus fort de mon désespoir, je rentrais par hasard à Swansted, un soir, un peu plus tôt que d'habitude, et le train s'arrêta à un certain signal pour laisser passer un autre. On discutait dans le wagon, et j'ai appris certains détails. Une personne disait qu'il y aurait un jour un accident, et ainsi de suite. En un éclair, comme par une inspiration, j'ai vu comment la circonstance pouvait être mise à profit. Un mauvais accident et les actions chuteraient certainement, ce qui me permettrait de récupérer ma position. Je pense que M. Carados a pris le reste d'une manière ou d'une autre. « Max, dit M. Carlyle avec émotion, y a-t-il une raison pour laquelle vous ne devriez pas envoyer votre majordome chercher un officier de police et faire arrêter ce monstre sur ses propres aveux sans plus tarder. Je vous en prie, monsieur Carados, acquiesça Drishna. Je serai certainement pendu. Mais le discours que je préparerai retentira d'un bout à l'autre de l'Inde. Ma mémoire sera vénérée comme celle d'un martyr, et l'émancipation de ma patrie sera accélérée par mon sacrifice. En d'autres termes, commenta Carados, il y aura des troubles dans une demi-douzaine d'endroits. De malheureux policiers seront matraqués à mort, et peut-être que des choses plus graves encore se produiront. Cela ne nous convient pas, monsieur Drishna. Et comment comptez-vous vous y prendre pour empêcher cela? Demanda Drishna avec une froide assurance. Il est très désagréable d'être pendu par un sombre matin d'hiver. C'est très froid, sans amis, très inhumain. Le long procès, la solitude et l'enfermement, les pensées de la longue nuit sans sommeil qui précède, le bourreau, les liens qui mordent les poignets et le contact du nœud de la corde sur la peau sont susceptibles de frapper l'imagination. Seul un homme très stupide peut accepter facilement la pendaison. Que voulez-vous que je fasse à la place, monsieur Carados? Demanda Drishna avec perspicacité. La main de Carados se referma sur l'arme qui reposait encore sur la table entre eux. Sans un mot, il la lui fit passer. Je vois, commenta Drishna avec un petit rire et un œil brillant. Je me tire une balle et j'étouffe l'affaire pour satisfaire votre objectif. Éteindre mon message pour éviter les révélations d'un procès et garder la flamme du flambeau de la liberté insurrectionnelle. Et aussi, interrompit Carados avec douceur, pour épargner à vos dignes compatriotes une bonne dose de honte, et pour épargner à la dame anonyme la désagréable nécessité de renoncer à la maison et à la rente que vous venez de lui allouer. Elle ne vénérerait certainement pas alors votre mémoire. De quoi parlez-vous? La transaction que vous avez effectuée est basée sur un crime et ne peut pas être maintenue. La société avec laquelle vous avez traité va saisir les tribunaux et l'argent qui est facilement traçable sera confisqué, car il n'y a pas eu de contrepartie valable. Max, s'écria M. Carlyle, vous n'allez pas laisser cette crapule échapper à la potence après tout. Le meilleur usage que l'on puisse faire de la potence est de la tromper, Louis, répondit Carados. Avez-vous déjà réfléchi à ce que les hommes penseront de nous dans 100 ans? Oh, bien sûr. Je ne suis pas vraiment en faveur de la pendaison, admit M. Carlyle. Personne ne l'est vraiment. Mais nous continuons à pendre. M. Drishna est un animal dangereux, qui, pour le bien des animaux pacifiques, doit cesser d'exister. Laissons son exploit barbare tomber dans l'oubli avec lui. Les inconvénients de sa diffusion l'emportent largement sur les avantages. J'ai réfléchi, annonça Drishna. Je ferai ce que vous voulez. Très bien, dit Carados. Voici du papier. Vous feriez mieux d'écrire une lettre à qui vous voulez pour lui dire que les difficultés financières dans lesquelles vous vous trouvez vous rendent la vie insupportable. Mais il n'y a pas de difficultés financières pour l'instant. Cela n'a aucune importance. Ce sera mis sur le compte d'une hallucination et démontrera que vous n'aviez plus toutes vos facultés mentales. Mais quelle garantie avons-nous qu'il ne s'échappera pas? Murmura M. Carlyle. Il ne peut pas s'échapper, répondit Carados tranquillement. Tout le monde le connaît. Je n'ai pas l'intention de m'échapper, dit Drishna en écrivant. Vous imaginez bien que je n'ai pas envisagé cette éventualité, n'est-ce pas? Tout de même, murmura l'ancien avocat. J'aimerais avoir un jury derrière moi. C'est une chose d'exécuter un homme moralement, c'en est une autre de le faire presque littéralement. Cela vous va? Demanda Drishna en lui remettant la lettre qu'il avait écrite. Carados sourit de cet hommage à sa perception. « Tout à fait excellent, » répondit-il courtoisement. « Il y a un train à 9h40, cela vous convient-il » Drishna acquiesça et se leva. Monsieur Carlyle avait le sentiment très désagréable qu'il devait faire quelque chose, mais il n'arrivait pas à savoir quoi. L'instant d'après, il entendit son ami remercier chaleureusement le visiteur pour l'aide qu'il lui avait apportée dans l'affaire de l'inscription à Indocite, tandis qu'ils traversaient ensemble le hall. Puis une porte se referma. Je crois que Max a parfois un comportement étrange, murmura Carlyle, déconcerté. Ainsi s'achève le problème du signal de Knight's Cross, une enquête de Max Carados par Ernest Bramah.